tes mains et tout s'écarte. Mais qui es-tu si tu n'es pas instruit? Qui es-tu si tu n'es pas altruiste? Tu n'es pas digne d'être un homme, loin d'être un sage. Trop bête pour comprendre ce message. Juste un son, juste un mensonge, juste un cierge qui brûle d'espoir au pied de la vierge. Doucement on sombre puisque tout son ment. Certains vivent pour rien et d'autres grassement. Trop d'accassement, forcément les portes de l'enfer s'ouvrent dans ses grincements. C'est maintenant que tout se décide. Soit on cède à presser ce désordre, soit le mal et sa horde fera en sorte que l'on cède avant qu'on s'en sorte. Je suis né dans le péché, comme tout le monde, pas besoin de tricher. On est riche et pauvre en même temps, gracié par la douleur de la vie, de la vie. Alors on se plaint d'aise, parce qu'il nous manque toujours quelque chose, parce qu'on n'a toujours pas notre dose. Tant que je serai là, je profiterai de tout, et j'oublierai pas que je suis né d'une nuit de baise. Pour me comprendre, crois que t'aies compris que je méprise les hommes autant que mes mots sont gris. Qu'on se pousse au cri, mais sois pas surpris, ne joue pas la victime quand c'est elle qui crie. Crois que tu piches, que tous on se condamne et que c'est des cipiches, que les gosses font les vandales. Grandir sans exemple ou avec le mauvais, c'est comme être enchaîné, devoir se sauver. On se laisse aller à de vagues délires, préférant les feuilles des joints à celles des livres, enfermés dans nos vies. On croit que la tisse nous délivre et on refait le monde à moitié ivre. On répète sans cesse que ça n'arrive qu'aux autres, et puis un jour se mord. Où c'est notre faute, on viendra pleurer, je nous connais. Anticipe tes fautes au lieu d'attendre d'être pardonné. Je l'ai fait pour moi, avant d'analyser l'homme. J'ai fait couler des larmes et déposer les armes. Je parle ni de flingue, ni de lame, mais des mots qui transpercent la chair jusque l'âme. On se blesse et on se canne, on se cogne, on se calme et on se laisse sans cesse créer drame. Hommes et femmes se détestent ou s'aiment, de l'amour à la haine. On croit que la vie est conne et que c'est elle qui déconne, alors que nos vies se décollent pendant que nos vies s'écoulent. On croit que dealer s'écoule et les petits sèchent l'école. Nos péchés partonnent, trop d'entre nous s'étonnent. Se battent contre des idées, certains finissent en tol. On mal se décider quand les rêves s'envolent. On croit que l'on sait tout alors que l'on s'étouffe. On gagne rien à faire le fou, mais on le fait tous.